août, la firme Toyota faisait la démonstration d'un prototype de voiture volante individuelle, une sorte de gros drone héliporté avec un conducteur embarqué qui a volé 4 minutes à 2 mètres d'altitude. On est encore loin de la demi-heure d'autonomie complète pour des trajets à plus de 200 km/h, mais toujours est-il que la voiture volante, ou plus exactement les aéronefs EVTOL pour Electric Vertical Take-Off and Landing, ne sont plus un délire de science-fiction et de nombreux constructeurs se sont lancés dans la course au développement, avec pour objectif la création d'une nouvelle forme de mobilité qui pourrait aller jusqu'à changer le visage de nos métropoles. Voiture, attention, décollage, c'est le programme vertical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour prendre de la hauteur et surtout s'interroger sur le visage futur à court ou moyen terme des mobilités de demain, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François Sillion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du centre de recherche d'Uber à Paris, la TCP, et ancien directeur scientifique d'INRIA. Oui. Et nous sommes en ligne avec Tomasz Krzyzinski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche et de l'innovation chez Airbus Helicopters. Mais avant de décoller, nous survolons l'actualité scientifique du jour avec le journal des sciences de Natacha Triou, toujours à distance. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, Natacha, selon une étude parue hier dans la revue Thorax, les personnes asymptomatiques au Covid-19 sont peut-être plus contagieuses qu'on ne le pense. Oui, sont-elles autant contagieuses que les personnes malades? C'est l'une des grandes questions des virologues, celle de la charge virale des personnes asymptomatiques. La charge virale, c'est la quantité de virus qui se cache dans le corps. Des chercheurs sud-coréens ont examiné 183 patients, tous positifs au Covid-19, dont 144 avec des symptômes bénins et les 39 autres sans aucun symptôme. Les analyses des prélèvements sur le nez et la gorge ont montré qu'il n'y avait aucune différence dans les charges virales des deux groupes. Alors c'est étonnant, parce que pour la grippe par exemple, plus il y a de virus, plus les symptômes sont sévères. Ces résultats suggèrent que les deux groupes peuvent propager le virus. D'autres études sont nécessaires pour déterminer à quel point les personnes asymptomatiques sont infectieuses. Néanmoins, les auteurs rappellent la nécessité de porter un masque même lorsque nous sommes apparemment en bonne santé. Voilà, vous pouvez retrouver cette étude qui est en lien avec le British Medical Journal sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur notre site franceculture.fr. Et on passe au bref. Le groupe Airbus se lance dans l'aviation à hydrogène. Oui, le groupe souhaite une rupture technologique d'ici 15 ans et espère mettre en service en 2035 un avion baptisé Zéro pour zéro émission, avec des appareils qui n'émettent pas de CO2. Le groupe travaille actuellement sur 3 modèles possibles qui fonctionnent non plus avec du kérosène, mais avec de l'hydrogène liquide. Cela fait suite au plan de sauvetage de l'industrie aéronautique de 15 milliards d'euros, un plan qui prévoit des aides pour soutenir l'aviation décarbonée. Il s'agit aussi d'un défi technique parce que l'hydrogène liquide ne se stocke pas comme le kérosène, il occupe des volumes de stockage 4 fois plus gros. On en sait plus sur l'hécatombe d'éléphants au Botswana au printemps dernier. Et dans le nord du pays, 350 éléphants sont morts dans des circonstances mystérieuses. La piste du braconnage avait été immédiatement exclue, puisque les animaux avaient toujours leur défense. Lundi, les autorités locales ont annoncé les résultats des analyses biologiques. Alors ce n'est ni un pathogène inconnu, ni la maladie de charbon, mais un empoisonnement à de l'eau contaminée. Dans les poissons de la région, des cyanobactéries se sont développées et ont libéré des toxines mortelles. En buvant avec leur trompe, les éléphants aspirent la vase où se concentrent ces toxines. Des traces de neurotoxines ont bien été retrouvées dans les corps. Les experts rappellent que la prolifération de ces cyanobactéries est directement liée au réchauffement climatique. Et enfin, selon une étude parue dans Science Advances, les archéologues ont trouvé la plus vieille preuve de la présence de l'humain en Arabie. Dans le désert de Néfud en Arabie Saoudite, cette équipe internationale a découvert des empreintes de pieds vieilles de 120 000 ans. Ce sont les premières véritables preuves de la présence d'Homo sapiens dans la péninsule arabique. Autrefois, la région était alors humide et verdoyante. Pour la datation, les chercheurs ont utilisé la technique de la luminescence optiquement stimulée, qui révèle à quand remonte la dernière exposition à la lumière du soleil. Ces traces nous permettent de mieux comprendre les migrations humaines lors de la dernière période interglaciaire et de mieux redessiner l'histoire de la dispersion de notre espèce. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Peut-être je profite de la présence de Tomasz Krzyzinski à notre antenne pour peut-être avoir une petite réaction sur ces fameux avions à hydrogène. Est-ce que aujourd'hui vous avez peut-être un mot, c'est un projet qui avance? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce projet, à ce sujet? Écoutez, Airbus était toujours leader dans toutes les technologies de rupture. Donc, nous avons été dans l'avion les premiers à mettre en place le système des commandes de vol électriques, hein, qui fait vraiment maintenant la raison d'être d'aviation. Donc, nous avons été leader dans le domaine des voiliers autonomes, dans la réduction des bruits, la réduction des consommations, environnement, c'est vraiment la raison d'être de notre entreprise, là. Et maintenant, les fois dans l'évolution et dans l'avenir de l'hydrogène, ça fait partie de notre base, de notre activité de recherche. Donc, notre groupe a présenté la vision sur 3 concepts d'avions à hydrogène. Là. L'avion de 200 places de type A320, l'avion double plus petite taille, là, plutôt de transport régional, là, turbopropulseur, là, et avion complètement en rupture, une aile volante, là, qui a tout à fait caractéristiques différentes, mais c'est toujours avec cette ambition de protéger l'environnement. De protéger l'environnement et de réformer en profondeur évidemment le secteur de l'aéronautique compte tenu des impératifs climatiques. Merci pour cette réaction. On va revenir à notre sujet du jour. C'est aussi une forme de technologie de rupture, en tout cas une transformation de l'existant. En l'occurrence, un assez gros engin, 2 mètres de haut, 4 mètres de long, 4 de large, soit l'équivalent de 2 voitures, qu'ont présenté, eh bien, c'était à la fin du mois d'août, la start-up japonaise SkyDrive et le constructeur Toyota. Premier essai a priori réussi pour ce prototype avec, je le précise, un pilote embarqué. Écoutez le reportage qui était consacré. Voici le premier multirotor électrique à décollage et atterrissage vertical japonais. Ce projet soutenu par Toyota a été développé en à peine 2 ans. Le premier vol d'essai public a été réalisé avec pilote sur une zone d'essai du constructeur automobile près de Nagoya. Le prototype est équipé de 4 paires de rotors contrarotatifs alimentés par des batteries. Cette version d'essai monoplace doit normalement déboucher sur une version de série biplace, plus racée, grâce notamment à sa verrière et son carénage. Selon les données constructeurs, le multirotor pourra voler à 60 km/h durant une trentaine de minutes, mais ce ne sera pas avant 2023. Voilà le reportage consacré à ce prototype SkyDrive Toyota. Une réaction, hein, on a l'impression que c'est le premier, mais il y a eu d'autres prototypes de ce genre-là qui ont déjà été présentés, François Sillion. Oui, en fait, on estime qu'il y a de l'ordre entre 150 et 200 projets aujourd'hui de développement d'appareils électriques à décollage atterrissage vertical. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un foisonnement des approches qui vont du multirotor, donc qui ressemble aux drones de loisirs que vous pouvez acheter aujourd'hui comme particulier, à des appareils un petit peu plus mixtes, dans le sens où ils ont à la fois une voilure, une aile et un système de rotor qui permet donc à la fois le décollage vertical et le trajet horizontal, disons, de façon efficace. Tomasz Krzyzinski, votre réaction à cette présentation de Toyota? Écoutez, Toyota avait été leader dans le domaine des voitures hybrides. Hein. Oui, bien sûr. J'ai des voitures Prius fabriquées à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Là. Donc, nous sommes extrêmement content qu'il y a tellement de gens sur la Terre qui travaillent sur ce nouveau concept volant. Vous imaginez cette créativité et ce nombre de jeunes ingénieurs qui travaillent dans ce domaine. Hein. Donc, il faut savoir que, de notre côté, hein, nous avons mis déjà en vol 2 voitures volantes. Une d'une petite taille d'ordre de 700 kilos, pour nous c'est une petite taille, nommée Vahana, c'est une voiture à aile basculante de masse de 700 kilos, et véhicule City Airbus qui fait ses vols actuellement, là, qui a une masse de 200 kilos, et charge utile de 400 kilos. Donc, juste une petite chose que je voulais signaler, que parmi ces 200 différentes entreprises, City Airbus, c'est le seul véhicule volant qui possède une vraie charge utile. Hein. Donc, oui. C'est un vrai, parce que c'est de 2200 kilos et 400 kilos de charge utile. On en reparlera effectivement, l'importance de cette charge utile. Je vais juste pour réagir à ce qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose qu'on entend quand même très fort pour le moment, et on y reviendra certainement, c'est le bruit, c'est-à-dire que pour le moment, on est loin encore de l'image un peu d'Épinal de science-fiction d'une voiture volante qui surferait, qui volerait quasiment comme ça, comme un navire à même l'air. Pour le moment, il y a quand même une composante de volume sonore qui est un vrai problème et qui est encore très très élevée, François Sillon. Alors, c'est vrai que tous ces appareils qui fonctionnent avec des rotors vont continuer à brasser l'air, donc on ne peut pas imaginer, avec ce genre de technologie, qu'ils soient totalement silencieux. Pour autant, le fait de pouvoir cette créativité, cet espace de design qui est maintenant beaucoup plus vaste, notamment grâce au moteur électrique, à l'utilisation de l'électricité, fait qu'on peut multiplier ces rotors, en utiliser qui sont spécialisés pour la partie décollage, atterrissage et d'autres pour la partie envol, disons, horizontale. Et donc, tous ces changements technologiques permettent d'envisager de réduire de façon quand même très importante le bruit. C'est-à-dire que, oui, on entend du bruit, en particulier si on est à côté au moment du décollage et de l'atterrissage. Par contre, ces appareils dont on estime qu'ils voleront à une altitude comprise entre de l'ordre de 500 mètres d'altitude, entre 500 et 1000 mètres d'altitude, quand ils seront en vol, l'idée, c'est vraiment qu'ils ne dérangent pas, c'est-à-dire qu'on ne... c'est pas du tout comme un hélicoptère actuel, de technologie actuelle, qui passerait à proximité. Thomas Krasinski, vous disiez, il va falloir tout de même que la population se conforme ou accepte finalement un certain niveau de nuisance sonore, en tout cas au moins au début. Si vous voulez, c'est que dans le domaine de voilures tournantes, hein, nous avons fait un énorme progrès. Hein. Et d'ailleurs, nous sommes leaders dans ces marchés-là. Donc, cet progrès, en fait, c'est qu'est lié aux plusieurs technologies convergentes. Hein. La première chose, c'est toutes les modélisations aérodynamiques et aéromécaniques des véhicules. Donc, on voit sur nos hélicoptères maintenant des formes d'épaule très particulières. Nous avons aussi les grands éléments qui jouent sur les bruits, c'est les problèmes vitesse périphérique des pales, donc régime de rotation de rotor qui peut être maintenant extrêmement variable. Et aussi, une troisième composante, c'est les trajectoires, hein, avec l'arrivée maintenant de nouveaux capteurs, les trajectoires qui peuvent permettre aux véhicules de prendre des trajectoires qui gêne le moins possible les populations au sol. Hein. Donc, dans le domaine, c'est-à-dire s'éloigner du public, quoi, s'éloigner des foules et aller plus loin. Oui, pas forcément, ou passer dans les endroits. On peut simuler par les calculs l'impact de bruit au sol et en fait les prendre les trajectoires qui permettent de minimiser là-bas où c'est le plus gênant. Donc ça c'est l'élément important et nous dans le cadre maintenant de notre taxi volante là, nous avons déjà testé plusieurs concepts de pales, plusieurs concepts de parrainage, plusieurs concepts d'architecture qui permettent de faire cette optimisation qui à mon sens est le challenge essentiel de ces futures plateformes. Vous approuvez François Sillon de... Vous opinez du chef. Oui, c'est clairement un des challenges essentiels. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas imaginer, c'est pas parce que ça devient possible techniquement que les citoyens, la société va se saisir de cette possibilité. Il faut que ce soit utile, plus qu'acceptable. Il faut que ce soit souhaité. Et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la façon dont ça peut changer la mobilité. Bien sûr. Mais c'est clair que si ça avait le même niveau de nuisance que les hélicoptères actuels, je pense que ce serait tout de suite une levée de bouclier. Ce serait inimaginable. Un dernier mot peut-être d'introduction. De quoi on parle exactement? On parle de voitures volantes, de quadricoptères, de drones pilotés, de IVTOL pour ce que je disais, Vertical Take-Off and Landing. C'est quoi la terminologie exacte de ces appareils, François Sillon? En fait, elle n'existe pas. Donc, nous chez Uber, on appelle ça eVTOL, donc effectivement EVTOL, parce que ça décrit plus la fonctionnalité. Et justement, certains sont des multirotors, donc simplement avec des rotors qui sont dans un plan horizontal, qui permettent de faire décollage et atterrissage. Et puis ensuite, on incline l'appareil pour avancer. Et d'autres, comme je le disais, ont à la fois une voilure fixe et différents rotors qui s'actionnent. Donc, vu cette complexité et cette richesse des designs, on préfère les appeler simplement eVTOL, c'est-à-dire décollage atterrissage vertical. eVTOL, Thomas Krasinski, vous validez aussi cette terminologie? C'est ça, je dirais, on est parfaitement d'accord. La seule précision que je voudrais juste ajouter, là, c'est qu'hélicoptères, hein, je dirais, ont fait un énorme progrès au niveau des bruits. Hein. Donc, sur l'hélicoptère, on a un accélérateur, en fait, qui tourne, là, sur le, c'est plusieurs, on a un multirotor. Donc, on sait que les sources acoustiques s'additionnent, d'accord? On a 3 dB sur chaque source acoustique, là. Donc, je dirais maintenant, qu'est-ce qui va faire moins de bruit hélicoptère ou c'est eVTOL? C'est pas encore complètement, sûr, hein, parce que hélicoptère, on fait aussi énorme progrès. On a maintenant la dernière hélicoptère de la gamme qui est H160 là. Donc j'étais hier sur la piste, je dirais, où on les fait tester, et en fait ces appareils, bientôt on va commencer à faire livraison parce que nous l'avons certifié. Et vraiment il y a une rupture, d'accord. Donc et là déjà population sol sont beaucoup moins influencées et ces hélicoptères peuvent aussi pénétrer dans la ville. Hein. Un mot, on entendait également en conclusion du reportage d'une commercialisation pour 2023. 2023, on a l'impression que c'est demain, François Sillon. C'est vraisemblable ou est-ce que c'est un peu optimiste? Alors, nous, chez Uber, on a annoncé, donc on prévoit un premier service commercial utilisant ces véhicules en 2023. Alors, ça ne veut pas dire une généralisation. Et un des points importants d'ailleurs, c'est que vous parliez de la terminologie. Dire voiture volante ou taxi volant, c'est un petit peu trompeur. C'est-à-dire que ça convoque tout de suite l'imaginaire du cinéma, dans le film Le Cinquième Élément ou dans d'autres, dans des BD des années 50-60, où on imaginait que ce qui est aujourd'hui la voiture ou l'usage de la voiture individuelle allait se transposer dans le ciel. Ça, je pense que, en fait, personne n'en veut. C'est-à-dire qu'avoir des embouteillages en 3D, franchement, je pense que c'est pas très désirable. Et donc, on imagine effectivement que d'ici 3 ans, certains de ces véhicules puissent tout juste être certifiés, c'est-à-dire avoir l'autorisation de voler. Après, la question, c'est celle de l'usage. Et donc, moi, je n'envisage pas un usage individuel avec monsieur ou madame tout le monde qui prend son véhicule individuel pour aller là où il a envie d'aller. Mais l'idée, et nous, notre défi chez Uber, c'est de construire un service de transport basé sur ces véhicules. Et on verra comment ces eVTOL peuvent précisément permettre de repenser la mobilité urbaine, certainement, et d'imaginer comment les déplacements peuvent changer et sortir, peut-être même aussi aider à sortir du modèle de la voiture individuelle. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18, nous parlons donc de eVTOL, ou plutôt de véhicules individuels ou collectifs d'ailleurs, volants. Nous en parlons avec François Sillon et Tomasz Krzysinski. Peut-être un mot, Tomasz Krzysinski, puisque effectivement, hein, la voiture volante, c'est une sorte de vieux rêve de science-fiction. Comment se fait-il que, depuis Jules Verne quasiment, que ce rêve ne soit pas advenu, que ce ne soit pas encore la réalité? Quelles sont les impossibilités, les empêchements, les obstacles majeurs qui se maintiennent pour que ce véhicule volant soit une réalité? Si vous voulez, ce que j'appelle en fait les technologies convergentes. Hein. Donc, il voit ce que actuellement nous vivons une troisième révolution aéronautique. Hein. Donc, première fois quand quelqu'un payait un billet pour un vol dans un avion, c'était en 1914 là, en Floride de Stampa Saint Petersburg. À ce moment-là, on a réussi à construire l'avion souvent léger, avec les moteurs thermiques à piston souvent fiables, pour faire une charge utile où il y avait un client pour acheter un billet. Donc c'était à peu près il y a 100 ans. Il y a 50 ans, on a commencé à vendre les billets pour le transport dans un hélicoptère, hein, surtout pour la plateforme offshore et déjà d'ailleurs pour le transport de passagers. Là, c'est pour moi la deuxième révolution dans laquelle on a mis sur les hélicoptères la turbine, qui permet vraiment d'avoir charge utile et permettre d'un transport de charge utile payante. Et maintenant, nous vivons en troisième révolution technologique, où avec l'amélioration en fait de capacité des batteries, avec allègement en fait des moteurs, donc on arrive à générer beaucoup de puissance à partir d'un kilogramme maintenant de moteur, à partir de toutes les senseurs et les capteurs qui permettent, et calculateurs qui permettent miniaturiser en fait les lois de contrôle, avec l'amélioration des modèles de calcul et des modélisations, nous vivons cette troisième révolution qui va ouvrir la voie au taxi volant, à la mobilité urbaine. C'est ça, on précise bien, parce que ça a l'air d'aller de soi, c'est pas vraiment un suspense, hein, comme vous le dites l'un et l'autre, on parle en fait évidemment pas du tout de l'avènement de la voiture volante individuelle, mais bien d'une nouvelle forme de transport collectif qui viendrait s'agréger au modèle actuel, qui viendrait le compléter, et puis peut-être, on va le voir tout à l'heure, le changer. Votre opinion, François Sillion, sur le fait que cette voiture volante ne soit pas arrivée plus tôt dans notre histoire, compte tenu eh bien, du marché que ça pourrait représenter, mais aussi du vieux rêve humain d'avoir sa propre voiture et de voler, quoi. Il y a d'abord des questions technologiques, c'est-à-dire que on prend plus de risques à la base quand on vole, tout simplement parce qu'en cas de problème, il est plus difficile de dire je vais simplement me garer sur le bas-côté, m'arrêter, mettre les warnings et puis regarder ce qui se passe. Donc le fait que il y a un niveau, disons, de risque à la base un petit peu plus élevé. Après, il y a des questions de coût aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est les technologies qui sont mises en œuvre pour l'aviation n'ont jamais été construites en vraiment très grande série. C'est-à-dire que même les appareils qui ont beaucoup de succès, les hélicoptères se construisent, j'imagine, en milliers d'exemplaires. Peut-être qu'il y en a un qui s'est construit en dizaines de milliers, mais je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup plus. Et donc le fait d'ailleurs que des constructeurs automobiles aujourd'hui s'intéressent à ces technologies, c'est pas tellement pour remplacer, dire on va remplacer la voiture roulante par la voiture volante, mais c'est aussi parce qu'ils voient bien qu'il y a leur savoir-faire industriel qui peut, à partir du moment où on est capable de construire des choses qui technologiquement sont plus simples, un moteur électrique c'est beaucoup plus simple qu'une turbine d'hélicoptère ou un hélicoptère qui a un seul rotor et dans lequel finalement il y aura beaucoup de pièces critiques. Donc oui, c'est un élément de cette révolution, c'est aussi le fait que maintenant on a des technologies qui peuvent, qu'on peut envisager de produire en grande série. Oui, bien sûr. Et alors, justement, si on regarde un peu aujourd'hui les obstacles même encore qui se dressent aujourd'hui sur la route de la massification, ou en tout cas du passage en série de ces véhicules volants collectifs, la première chose qui est intéressante, c'est que d'ores et déjà, et ça, je pense que tous les constructeurs le partagent, ce ne seront que des véhicules 100% électriques, François Sillion. Oui, vraisemblablement. C'est un petit peu c'est plus subtil que ça, parce qu'après, il faut à ce moment-là parler de l'usage. Aujourd'hui, on imagine qu'un véhicule 100% électrique, c'est-à-dire qui fonctionne sur batterie, pourra, d'ici 3 ans, accomplir une mission. Nous, on a défini une mission qu'on considère comme intéressante d'un point de vue économique, écologique et du point de vue de ce que peut attendre le public, et qui est une mission quand même où il faut aller suffisamment vite. On a vu l'annonce de Toyota, c'est 60 km/h, donc c'est pas très rapide. Donc nous, on pense qu'il faut aller plus vite que ça. Qui permettent de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour que finalement il y ait un intérêt à faire ce trajet et puis qu'ils puissent emporter une charge utile, comme le disait M. Krasinski, c'est très important pour avoir plusieurs passagers. Donc, je précise juste, François Sillion, pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, c'est que autant Tomasz Krasinski, lui, travaille donc chez Airbus et donc dans la construction, dans l'élaboration de ces modèles de véhicules, vous chez Uber, vous avez un projet qui s'appelle Uber Elevate et en fait vous avez lancé une sorte d'appel d'offres en fait auprès de plusieurs constructeurs, dont Airbus ne fait pas partie d'ailleurs, pour justement proposer des modèles qui pourraient intégrer une éventuelle flotte. Donc c'est pas tout à fait le même positionnement. Tout à fait. Nous, donc Uber ne construit pas de véhicules et n'a pas cette ambition. Plus qu'un appel d'offres, ce qu'on a fait, c'est définir justement une mission, donc un certain nombre de spécifications, en disant, nous, on sent à travers les études qu'on fait et on le mesure, on l'imagine et on le prévoit, la possibilité de déployer un service qui rencontrera donc un public, qui donc a un modèle économique derrière et qui permet d'utiliser, comme vous le disiez, ce mode de transport en complément des modes existants. Alors, il y a plusieurs critères pour ça dans cette espèce de cahier des charges. Il y a un critère très important sur le bruit. On tient à ce que ce soit tout électrique, même si certains constructeurs aujourd'hui développent des modèles hybrides au sens des Toyota hybrides, etc., c'est-à-dire un mélange avec un moteur à combustion qui peut recharger une batterie. Ces constructeurs s'intéressent plus, par exemple, à des trajets de plus longue durée, plus de 100 km. Nous, ce qu'on vise, c'est plus du transport urbain, donc quelques dizaines de kilomètres. Et donc, à travers l'étude qu'on a fait, on se rend compte qu'il y a une plage de distance pour laquelle ce type de déplacement serait bien complémentaire et serait intéressant donc à proposer en complément des modes existants de transport. Donc plus qu'un appel d'offres quand même, ce qu'on fait c'est définir cette espèce de cahier des charges et ensuite tous les constructeurs qui développent des véhicules qui remplissent ce cahier des charges sont bien sûr les bienvenus sur cette plateforme. Donc pourquoi pas Airbus un jour. Justement Tomasz Krasinski, quel est le moteur électrique aujourd'hui pour toutes les raisons que l'on peut imaginer, notamment évidemment les raisons environnementales, c'est une sorte de d'indispensable, ou en tout cas on ne peut pas penser autrement ces véhicules que avec ces moteurs électriques qui seraient de facto a priori moins énergivores et moins polluants que des moteurs à combustion traditionnelle ou même hybrides. De toute façon, ce transport électrique là, ça ne peut être sous cette forme que transport à courte distance. D'où on prend la mobilité urbaine. Il est pas pensable dans l'avenir raisonnable d'avoir un véhicule comme électrique qui traverse la distance qui soit très important. Je parle véhicules type VTOL, hein, vertical takeoff landing. Donc, je voudrais venir sur on a parlé de missions là. Moi, je voudrais venir sur les thèmes d'obstacles et l'acceptation sociétale de ce type de transport. Hein. Donc, la première chose, c'est le problème de sécurité des vols. Bien sûr. Parce que bon, il y a ici un élément où il y a 200 démonstrations. On voit tous les jours le nouveau concept qui dévole. Là. Donc, il ne s'agit pas uniquement de décoller et tenir quelques minutes de stationnaire là, ou se déplacer, je dirais, pour tourner un film. Les problèmes derrière là, c'est que cet engin doit voler dans toutes les conditions atmosphériques, doit être extrêmement robuste, doit être très redondant dans le cas de panne. Et il doit être certifiable, d'accord? Donc, il y a des autorités qui travaillent déjà sur les nouvelles règles de certification. Nous travaillons d'ailleurs avec EASA sur les sujets, là. Donc, vous voyez, tous ces obstacles, la première chose, c'est vraiment sécurité des vols. Hein. Donc, il y a hors de question, et nous, dans le domaine de sécurité, Airbus, c'est la priorité, je dirais, avant tout, c'est sécurité des vols. Hein. Deuxième chose, vous avez dit, qu'est-ce qui est vraiment le challenge essentiel? C'est vraiment faire une plateforme. Parce que parmi ces 200 véhicules qu'on voit à peu près partout, je dirais, on voit bien qu'on est dans le domaine d'expérimental. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire dans ce domaine, cette création, formation, toute cette génération de nouveaux ingénieurs-là. Et en plus, dans ce domaine, il faut être extrêmement modeste. Hein. Nous avons testé deux véhicules complètement différents, même basés vraiment sur les véhicules, sur les ailes basculantes, avec architecture, je dirais, ce qu'on appelle Varana. Et deuxième, avec les concepts de rotor fixe, comme enfin, complètement différents, justement pour explorer ces différentes possibilités. Et donc, il est clair que dès qu'on parle de notion de charge utile pour transporter passagers et charge payante, c'est là où toute la difficulté, je dirais, commence. Donc, juste pour terminer, c'est que avoir vous donne l'ordre de grandeur, hein, parce que je crois que c'est ça qu'il faut un peu transmettre aux gens qui nous écoutent, c'est que voiture en ville, on peut entraîner par un moteur d'ordre électrique, d'ordre de quarantaine de kilowatts, hein, avec un véhicule qui a 400 kilos de charge utile, qui pèse 2 tonnes ou 2 tonnes 2 de masse globale, là. Il faut une puissance d'ordre de 400 kilowatts. Donc, vous voyez tout de suite les challenges. Bien sûr. Et ça, c'est la loi des physiques. C'est multiplié par 10, quoi. Voilà, c'est exactement. Il faut 10 fois plus de puissance pour, et puis, compte tenu aussi de la propulsion, etc., la puissance nécessaire est démultipliée par rapport à celle qu'on imagine pour un véhicule, au sol, quoi. D'où cet caractère vraiment extraordinaire par les jeunes générations d'ingénieurs qui nous sont en train de former dans ce domaine. D'ailleurs, sur tout le monde entier, tous ces startups qui travaillent là. Pour trouver vraiment les solutions appropriées. Alors, on va continuer à examiner hein, ces différents problèmes. Vous avez évoqué évidemment celui central de la sécurité. On va évoquer aussi le problème de la batterie, donc de l'autonomie, de la puissance déployée. C'est celui que vous venez d'évoquer. Tout cela autour de différentes propositions. Mais avant cela, puisque vous parliez de plateforme, justement, le choix qu'a fait Uber, c'est donc celui, on le disait, non pas d'une voiture individuelle, mais d'un taxi collectif. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes justement rendu dans les locaux du centre de recherche d'Uber à Paris pour comprendre en quoi consisterait ce futur taxi volant. Oui, j'ai rencontré Rémi Delmas, qui est chercheur senior, et Mehdi Benasser, qui est en stage de recherche au sein du centre de technologie avancée d'Uber France. Comme nous l'explique Rémi Delmas, que vous entendrez au début du reportage, le véhicule volant pensé par Uber est à mi-chemin entre l'avion et l'hélicoptère. Il doit fonctionner avec des batteries électriques. Comme François Sillon le disait tout à l'heure, les chercheurs d'Uber ne conçoivent pas le véhicule en tant que tel, mais s'attellent plutôt au cœur de métier de la firme, à savoir le transport de passagers et la mise en relation de ces passagers avec les véhicules à disposition. Pour cela, il faut composer bien évidemment avec les très nombreux facteurs de complexité de la circulation d'aéronefs qui peupleront peut-être un jour le ciel des grandes villes. Donc ça, c'est un avion à décollage vertical électrique. Donc ce qu'on peut voir, c'est un fuselage qui est assez classique, mais on voit qu'il y a des propulseurs dont la poussée est dirigée vers le haut et des propulseurs dont la poussée est dirigée vers, horizontalement. Et donc une partie de ces moteurs sert à décoller verticalement. Ensuite, l'avion peut transitionner vers un mode de vol horizontal dans lequel, grâce à ses ailes, il peut aller très loin, très vite, sans dépenser trop d'énergie. Et ensuite, à destination, réutiliser les propulseurs verticaux pour atterrir. Ça peut faire penser à un hélicoptère au premier abord, mais il y a une aile qui permet justement d'avoir cette portance et d'aller loin plus efficacement. Quelles sont les performances attendues en termes de capacité de contenance? Combien de personnes pourront voyager à bord? La vitesse, la distance parcourue? On pense 4 personnes, 4 passagers plus un pilote au départ. À terme, 5 personnes en mode autonome. Un rayon d'action, je pense, d'une centaine de kilomètres et une vitesse de croisière de 250 km/h environ. À quel défi scientifique vous vous attelez pour mettre au point ce Uber Air Taxi et quels sont ces défis scientifiques d'abord? Mehdi Benasser. Moi, je travaille sur un projet de recherche depuis 6 mois, donc qui porte sur l'optimisation du groupement de passagers et d'ordonnancement de vol, donc dans le cadre de la future plateforme Uber Air. Donc, on aurait un certain nombre de gares aériennes disposées dans la ville. Donc, depuis ces gares aériennes, on aurait des appareils électriques qui décollent et qui atterrissent. On aura un certain nombre de demandes. Donc une demande, c'est une personne qui demande à aller d'un point A à un point B au sein de la ville, donc d'une gare aérienne A à une gare aérienne B. Et on aurait une flotte d'appareils, donc un certain nombre d'appareils utilisés pour répondre à ces demandes. Première question qu'on se pose, c'est étant donné cet ensemble de demandes, comment on les groupe ensemble? Donc ils sont initialement individuels, on veut les grouper ensemble pour former des vols. Donc ce qu'on veut faire pour être efficace, c'est remplir au maximum les vols, mais on ne veut pas non plus faire attendre trop longtemps les passagers. Donc là, il y a une optimisation à faire. Une fois que les vols ont été créés, ce qu'on veut faire, c'est répondre à la question suivante. Donc, quelles ressources on va utiliser, quel appareil on va utiliser pour servir ce vol en particulier. Et donc, il faut notamment que l'appareil qu'on va choisir pour servir ce vol soit dans de bonnes conditions, soit au bon endroit, au bon moment, et qu'il ait un niveau de charge de la batterie suffisamment élevé pour pouvoir servir ce vol. Répondre à ces questions, c'est utile dans la mesure où ça va permettre de répondre à un grand nombre de demandes de manière efficace, donc passer à l'échelle sur la plateforme. On veut aussi être capable de répondre à des événements aléatoires, donc par exemple des retards. Qu'est-ce qu'on fait si un passager arrive en retard à un vol qui lui a été assigné? Est-ce qu'on retarde le vol? Est-ce qu'on assigne un nouveau vol à ce passager? Et en faisant ça, quelles sont les conséquences sur le reste de la journée? On veut aussi pouvoir faire face à des événements de type indisponibilité d'un appareil. Donc si un appareil n'est pas disponible pour une raison X ou Y à une date T, comment on réalloue le reste de la flotte, réutiliser de manière optimale le reste de la flotte pour continuer à proposer un service de qualité tout au reste de la journée. Et donc les difficultés principales de ce projet, donc qui motivent la recherche, la première est la complexité du problème. Donc la complexité est exponentielle, donc c'est très difficile de répondre à ces questions. Et une deuxième source de difficulté vient du fait qu'on veut être capable de répondre à des événements aléatoires, donc qu'on ne contrôle pas par nature. Donc j'ai cité les retards par exemple, ou des indisponibilités d'appareils. Pour tout ce qui est des questions d'ingénierie liées à l'appareil en lui-même, est-ce que ça se passe ici ou bien ailleurs? Alors, on travaille avec des partenaires qui, eux, conçoivent des véhicules. Mm-hmm. Malgré tout, nous-mêmes, on fait des recherches sur certains aspects des véhicules, dans le but, en gros, d'aider les partenaires à atteindre la maturité plus vite et avec des méthodes qui sont vraiment ce qu'on sait faire de mieux selon l'état de l'art actuel et pousser aussi plus loin l'état de l'art avec eux. Alors, quelles sont ces questions, par exemple? Celle dont j'avais prévu de vous parler, c'est la question de la sûreté de fonctionnement. Donc, nous, ici, on s'intéresse à mettre au point des méthodes pour analyser la fiabilité de systèmes complexes. Le but avec ces analyses-là, c'est de montrer qu'on est capable d'identifier les risques inhérents à un système technique, de les modéliser pour les comprendre, les quantifier, et ensuite mettre en place les barrières de sécurité qui permettent de maintenir le risque en dessous d'un seuil acceptable et qui, lui, est fixé en fait par les régulateurs comme l'Agence de sûreté aérienne européenne ou l'Agence américaine, la FAA. Pourquoi on fait ces recherches? Parce que de toute façon, la démonstration de fiabilité, elle est obligatoire pour pouvoir avoir l'autorisation de faire voler un aéronef quelconque. Donc on approche ça en disant: un système complexe, c'est un assemblage de composants basiques qui rendent certaines petites fonctionnalités. Et c'est la combinaison de toutes ces fonctions qui rend un service de plus haut niveau, comme décoller verticalement, transitionner de vol vertical en vol horizontal, etc. chaque composant lui-même peut avoir un mode de fonctionnement qui peut être dégradé. De manière aléatoire, il peut tomber en panne, ou pas totalement en panne, mais au moins moins bien fonctionner, avec une réduction de ses performances. Et donc le but des recherches qu'on fait, c'est de pouvoir donner des façons de modéliser la façon dont tous ces composants interagissent et dont leur mode dégradé perturbe la fonction de plus haut niveau qui est rendue par le système. Là-dessus, une fois ce modèle réalisé, on explore la combinatoire de toutes ces défaillances de manière à identifier celles qui altèrent le plus la sûreté du système et ensuite de mettre les barrières de sécurité qui permettent de réduire ce risque. La difficulté, c'est vraiment l'explosion combinatoire et aussi le fait que dans tous ces nouveaux avions, il y a beaucoup de technologies nouvelles embarquées qu'on n'a pas encore bien caractérisées d'un point de vue sûreté de fonctionnement. Donc il y a beaucoup d'études avec les partenaires qui visent à caractériser le fonctionnement d'une batterie, quand elle fonctionne bien et quand elle fonctionne moins bien, le fonctionnement des moteurs électriques. Et si on parle un peu de vol autonome dans le futur, à 10 ans d'ici ou 15 ans, il y a certains composants d'intelligence artificielle qu'on souhaiterait potentiellement utiliser et eux aussi, il va falloir les caractériser d'un point de vue fiabilité et prédire en gros les conséquences de leur défaillance et ensuite les maîtriser. Voilà la question de ce cahier des charges, de cette plateforme attendue de ces futurs véhicules autonomes volants. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre, François Sillon, puisqu'on allait chez vous. Oui, je souriais en écoutant parce que c'est le centre de recherche est relativement récent. Hein. On a commencé il y a un an et on a déjà des projets qui sont effectivement bien avancés. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder les choses qui sont un petit peu au croisement entre la question de sécurité, par exemple, qui a été abordée, et la question, par exemple, du ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle. On va reparler dans un instant. Voilà, nous, on travaille au niveau recherche sur ce que Rémi a appelé le passage à l'échelle, c'est-à-dire même si en 2023 on a un premier service commercial, la question c'est comment on fait ensuite pour être capable de gérer des centaines, peut-être un jour des milliers de vols au-dessus d'une métropole. Et donc ça, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes réglementaires, mais nous on s'intéresse à toutes les technologies qui vont permettre le passage à l'échelle au plan technique. Thomas Krisinski, votre sentiment, votre réaction par rapport à ce reportage ? Bon, écoutez, ça fait plaisir de voir un tellement jeune ingénieur motivé sur le sujet et je suis très content que les gens abordent les problèmes de sécurité comme le problème fondamental de ce type de transport. Hein. Donc, sur l'aéronef, c'est vraiment un problème de sécurité, c'est vraiment c'est les ADN, en fait, de toute notre ingénierie, là. Et donc, je voudrais faire aussi comparaison automobile. Hein. Donc, on voit beaucoup de voitures autonomes, d'ailleurs, on voit bien que ça n'avance pas aussi vite qu'on suppose. Hein. Donc, voiture autonome, dans l'analyse de safety, si quelque chose qui se passe mal, on peut toujours l'arrêter. Hein. Sur un véhicule, si vous voulez, quand vous êtes en vol, là, avec les gens à bord, il y a quelque chose qui se passe. Donc, à un moment donné, il faut poser parce qu'il y a les gens à bord. Hein. Et ça fait vraiment les problèmes de redondance, les problèmes de fiabilité, les problèmes de fonctionnement de tous ces systèmes complexes ensemble, c'est vraiment le cœur de la difficulté technique que ces technologies présentent. Et aussi, si vous voulez, choix d'architecture, donc on a parlé des véhicules qui sont l'élément basculant, il y a des éléments qui sont éléments fixes. C'est vraiment un problème des compromis, des choix d'architecture qui décident des complexités des systèmes qu'on met en place pour assurer cette sécurité-là. Et c'est là où c'est vraiment un challenge fondamental pour choix d'architecture appropriée. Mais justement, à propos de choix d'architecture, on vient de poster hein, sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC les caractéristiques du City Airbus pour le voir, pour visualiser ce gros drone qui est à mi-chemin entre un drone et un hélicoptère. Vous pouvez en voir ce design futuriste et par rapport d'ailleurs à des designs très très différents au fur et à mesure des articles qui sont postés sur ce fil. Vous allez voir qu'effectivement, il y a des projets qui pour le moment sont encore très très divers. Mais François Sillon, vous évoquiez tout à l'heure en rapport avec la sécurité, celui de la sécurité informatique, et c'est exactement ce que nous allons aborder dans la recherche montre en main. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Elias Gerbi, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes doctorant en troisième année à l'IRT Systémix au laboratoire IBISC Paris-Saclay Université d'Evry. Vous travaillez sur l'apprentissage automatique pour la détection d'intrusions dans les systèmes de transport intelligents. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Merci Nicolas, merci pour cette introduction. Je remercie aussi France Culture pour cette invitation. Effectivement, les voitures autonomes, on en parle depuis quelques années, on en voit même quelques-unes dans nos routes avec un certain niveau d'autonomie, hein. Bien sûr, avec un conducteur toujours derrière le volant. Mais on voit toujours pas de Herbie né de Bumblebee dans nos routes. Pour y arriver, il y a plusieurs challenges à surmonter. Et assurer la fiabilité, la robustesse des systèmes qui prennent des décisions à notre place en étant. Il faut savoir qu'une voiture autonome, c'est un objet connecté. Pour assurer une autonomie totale, les voitures sont équipées de différents capteurs, caméras et ordinateurs qui sont embarqués pour lui permettre de voir, analyser et prendre des décisions. Et en plus, les voitures doivent communiquer avec des éléments extérieurs, quelques d'autres voitures autonomes ou des objets connectés sur les routes pour, par exemple, optimiser le trafic routier. Bien sûr, toutes ces technologies et interfaces sont nécessaires, mais elles peuvent être aussi utilisées comme brèches ou portes d'attaque par des hackers mal intentionnés. Donc, ce n'est pas aussi évident. Donc, il y a des experts dans le domaine de la sécurité qui travaillent pour rendre la tâche difficile et limite impossible, donc impossible avec quelques guillemets. Donc, aujourd'hui, on porte des objets connectés sur nous, tels que des téléphones et des montres. Demain, c'est nous qui vont être portés par des objets connectés. Donc, c'est une question d'intégrité physique et d'enjeux vitaux. Donc, si le système autonome est fragile et corruptible, ça peut remettre en cause la technologie malgré son apport en termes économiques et écologiques. Donc, dans mes travaux de recherche, on part de l'hypothèse que tout système de défense est franchissable. Alors, la question qu'on se pose est comment apprendre à une voiture à s'autodéfendre. Donc, premièrement, il faut commencer par détecter s'il y a eu une intrusion, par exemple. Et pour ce faire, on utilise l'apprentissage automatique, un domaine de l'intelligence artificielle. Plus concrètement, on commence par surveiller toutes les communications internes du véhicule pendant différents scénarios de conduite. Le but, c'est de construire un jeu de données représentatif de l'état normal du système dans le véhicule. Il faut noter que la quantité et l'exhaustivité des modalités des données sont énormes. Des centaines de messages de différents types sont envoyés et échangés à des fréquences en millisecondes. Donc, je vous laisse faire les calculs. Donc, une fois qu'on a un jeu de données qui est fiable, je mets en place des algorithmes, des modèles mathématiques pour construire une architecture qui prend toutes ces données et apprend à trouver des relations, des corrélations, des dépendances temporelles, dans le but de définir un pattern, une sorte de signature de normalité du véhicule. En sachant que toute intrusion implique une perturbation, soit au niveau réseau ou système, cette perturbation va être visible pour notre modèle car elle induit une déviation de la signature de normalité, ce qu'on appelle une anomalie. Une fois l'anomalie détectée, une alerte est envoyée et un mécanisme de sécurité est déclenché pour garantir la sûreté des passagers. Ce type d'approche va nous permettre d'un point de vue théorique et aussi on peut démontrer dans quelques cas pratiques de détecter des attaques inconnues car on n'utilise pas des bases de données d'attaque mais que des données qui représentent l'état normal du véhicule. Il y a aussi des challenges à surmonter qui est qu'il faut éviter qu'il y ait des fausses alertes, donc ce qu'on appelle des faux positifs car ça risque de déclencher des systèmes critiques. Quand il ne le faut pas, et aussi il y a un autre problème que la puissance est limitée, donc la puissance de calcul dans les voitures est limitée, donc il faut avoir des modèles assez légers et tout en garantissant le maximum de précision et de robustesse. Merci beaucoup Elias pour votre présentation. Peut-être un mot Tomasz Krzyzinski, pour le moment ces véhicules, là on parle de véhicules autonomes, on n'en est pas encore là pour les, c'est peut-être l'étape d'après, mais en tout cas pour le moment pour ces véhicules volants individuels ou collectifs, il reste un pilote, le pilote pour le moment on ne peut pas s'en dispenser. Oui, de toute façon, c'est la première étape, hein. Donc c'est pilote ou superviseur, hein, si vous voulez, c'est les pilotes dans lesquels qui aura les fonctions de pilotage qui sont largement assistées, hein. Donc dans ces domaines, nous avons mis en place là déjà sur les hélicoptères et sur les Varana et sur les City Airbus, le système de pilotage qui permet de faire décollage automatique. Nous avons testé sur hélicoptère le système qu'on appelle Eagle. Eye for Guidance Landing Extension, c'est les caméras gyrostabilisées qui est installé dans les nez d'hélicoptère qui capte image au sol, par exemple les haches de atterrissage, qui traque cette position, qui l'envoie traite image par les algorithmes de reconnaissance de forme et permet au pilote automatique d'avoir information de pour faciliter les posées automatiques. Et ça, c'est vraiment l'avenir de ces types de configurations. Là, vraiment, ces nouveaux capteurs qui sont les radars, l'IDAR et les caméras, qui ont fait l'énorme progrès depuis certains temps, ce que j'appelle les technologies convergentes, qui en plus des batteries, en plus de progrès moteur électrique contre architecture de véhicules, vont permettre de apparition de ces nouveaux véhicules. François Sillion, à ce propos, puisque Uber a tenté déjà de mettre dans sa flotte des véhicules automatiques sur route, l'étape d'après, le véhicule automatique dans les airs, c'est encore très lointain, là pour le coup ça reste de la science-fiction ? Ah non, pas de la science-fiction, par contre c'est vrai que dans un premier temps, clairement il y aura des pilotes. Après, c'est intéressant de constater que l'autonomie, finalement, il y a différents degrés d'autonomie. On préfère parler d'automatisation plus ou moins poussée. Moi, j'ai tendance à penser que l'autonomie, au sens donc du véhicule qui se conduit donc sans intervention humaine, n'est pas plus difficile dans les airs que sur le sol. Alors, je ne sais pas si c'est plus facile, il y a des débats là-dessus, mais parce que en fait, il y a des choses plus faciles et des choses plus difficiles. Typiquement, dans l'air, vous avez quand même moins d'obstacles. Au niveau du sol, vous pouvez avoir un ballon, un gamin qui traverse, un animal, voilà. Donc il y a plutôt moins d'obstacles en l'air. Ceci étant, bien sûr, il y a la difficulté qui a été évoquée plusieurs fois, de la difficulté de se garer sur le côté. Donc il faut... En cas de problème, voilà, évidemment, on ne peut pas juste se mettre à côté ou arrêter le véhicule, voilà. Il faut trouver un espace pour atterrir. Mais il y a d'autres choses intéressantes quand on est en l'air. D'abord, il y a toute une culture aujourd'hui de partage de l'espace aérien, qui est très formalisé, donc il y a des procédures, il y a l'idée que l'espace aérien, les appareils sont déjà insérés dans des systèmes de communication qui permettent d'éviter les risques de collision, etc. Donc on peut aussi, bien sûr, jouer là-dessus. Et puis également, le fait que tous ces véhicules vont opérer en même temps, d'une façon cohérente, sur une plateforme ou plusieurs plateformes, ça permet aussi d'avoir une vision collective. Imaginez que vous avez quelques dizaines de véhicules en l'air au-dessus d'une ville. Si vous avez à faire passer, par exemple, un véhicule prioritaire, une évacuation médicale ou une intervention d'urgence, si vous avez la vision un petit peu globale de ce qui se passe, vous pouvez aussi donner des ordres de façon globale. Donc tout ça est intéressant. Après, c'est vrai qu'on conserve le côté connecté et le côté intelligence artificielle pour la décision, qui reste aussi difficile que ce qu'on peut faire sur des voitures autonomes aujourd'hui. Ce qui est intéressant sur la mise en réseau, c'est que à travers finalement l'introduction de ce nouveau type de véhicule dans une circulation, évidemment déjà très très saturée, se pose la question en fait des mobilités dans la ville de demain, des plateformes multimodales, et l'idée, ce que l'on répète depuis le début de cette émission, c'est que ces véhicules-là n'ont a priori pas vocation, sauf peut-être pour de très riches personnes qui voudront s'en faire un caprice, mais en tout cas, tel que vous l'envisagez pour le moment, et l'un et l'autre, et tel que beaucoup de monde l'envisage, il s'agirait donc plutôt de véhicules collectifs qui viendraient suppléer à des formes de transport en commun. Et décrivez-nous un peu, François Sillion, comment vous imaginez, chez Uber, qui se veut particulièrement une plateforme multimodale, d'introduire ce type de véhicule dans un réseau urbain? Oui, donc la vision d'Uber, c'est de fournir ce qu'on appelle maintenant dans le jargon moderne la mobilité comme un service. C'est-à-dire qu'on fournit un service de mobilité. Donc une personne veut aller d'un point A à un point B, de chez elle à, je sais pas, son travail ou un centre commercial. Et donc la question est comment emmener cette personne au mieux jusqu'à sa destination. Alors, l'intérêt de cette vision service, c'est que ça permet effectivement de faire de la multimodalité. Donc de dire, par exemple, on va aider cette personne à rejoindre une gare, par exemple, prendre un transport en commun, par exemple, à cette gare, et puis à l'arrivée, peut-être prendre un VTC ou autre. Ou un vélo, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut mettre absolument, on peut empiler, disons, toutes sortes de modalités. Certaines sont particulièrement intéressantes pour faire un trajet de quelques centaines de mètres, un vélo, une trottinette, etc. Certains sont plus intéressants pour d'autres distances. Et c'est pour ça que la modalité aérienne a un intérêt, c'est que justement pour des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, alors on sait que bien sûr le train, je pense que rien ne battra le train en termes d'efficacité, de capacité de charge utile, etc. Par contre, le bilan écologique aussi, c'est des infrastructures extrêmement lourdes. Alors que en déployant un réseau de gares aériennes, une gare aérienne, c'est un endroit sécurisé dans lequel on peut faire atterrir et décoller des VTOL, donc des appareils comme ceux dont on parle, et puis si possible connecter justement à d'autres modes de transport. Mais c'est très léger comme infrastructure. Donc on peut imaginer de déployer cette modalité en complément de ce qui existe, et ça peut permettre, au vu d'une autorité par exemple, une autorité locale, une région, une autorité de transport, de desservir certaines zones y compris à une relativement grande distance, plusieurs dizaines de kilomètres, sans avoir des investissements extrêmement lourds, et donc de le faire pour un nombre d'habitants, par exemple, plus faible que ce qui justifierait, par exemple, l'implantation d'un réseau ferré. Mmh. Tomasz Krzyzanski, votre sentiment à ce propos, c'est une forme de relais privé de services publics, justement, de transport tels que le bus, le train, à moindre échelle, puisqu'on parle d'emport de 4-5 personnes. Hein, je crois qu'on parle pas de guère plus de monde que ça. Comment est-ce que vous le voyez s'insérer, justement, dans un réseau de mobilité futur? Écoutez, je partage l'avis de François. C'est un élément qui fait que, en fait, qui doit être inscrit dans le contexte global. Ce type de véhicule doit générer valeur aux clients, donc les passagers, donc les transporter de certains points A à point B de façon rapide et économiquement accessible. Donc, je crois que ça, c'est l'élément essentiel. Bah, je veux signaler aussi un point supplémentaire que bon, le train effectivement en soi il est entraîné maintenant de façon électrique, mais pour construire un chemin de rails dans un train, il faut traverser souvent les montagnes, les villes, les champs, et ça fait énormément de pollution CO2 et ça détruit. C'est des pollutions initiales qui ont été rentabilisées, oui. Enfin, sur les réseaux ferrés qui ont été construits et qui ont été construits en général depuis des dizaines et des dizaines d'années, cette pollution, elle a été quand même très très largement lissée par la pratique et par le nombre de personnes qui ont emprunté ces modes de transport. Oui, mais il y a beaucoup d'endroits dans lesquels vous n'arrivez pas à accéder quand même par un train. Certes. Là, si on pense augmenter, je dirais, ces réseaux-là, ça fait un investissement énorme avec un énorme impact sur la planète. Donc moi je partage l'avis de François qu'on peut faire ça, cette mobilité supplémentaire demande l'impact environnemental beaucoup plus faible. On pourrait vous rétorquer que même sur ces véhicules-là, il y a peu de personnes, alors ce serait des véhicules certainement électriques, mais néanmoins peu de personnes qui consomment une énergie certaine, comme vous le disiez l'un et l'autre, une énergie conséquente, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir se déplacer dans les airs. Ça a tout de même aussi un coût énergétique qui n'est pas négligeable, François Signon. Alors oui, il faut nuancer un tout petit peu, c'est-à-dire que selon le design qui est utilisé, c'est vrai que si on est dans du pur multirotor, c'est-à-dire que l'appareil en fait en permanence soutient son propre poids et le poids qu'il emporte grâce au rotor, là effectivement la dépense énergétique est très plus forte. Si par contre on est dans ces modèles un petit peu hybrides, pas hybrides au sens énergie, mais voilà, qui ont à la fois une aile qui assure de la portance et des rotors pour le décollage et l'atterrissage, à ce moment-là, quand on est en vol horizontal, on dépense finalement peu d'énergie. Alors, il faut toujours vaincre la résistance de l'air, comme on vole pas non plus à des vitesses extraordinaires, on parle de 200-250 km/h, la dépense énergétique en vol horizontal, finalement, elle est même presque plus faible, en tout cas elle est égale à celle d'un véhicule roulant électrique qui aurait les quatre passagers à bord, qui lui doit vaincre en permanence le frottement des roues sur le sol. Se pose la question que vous avez évoquée, Tomasz Krzyzanski, c'est la question du coût. Est-ce qu'on a l'impression tout de même que ces véhicules, ça coûte là pour le moment beaucoup d'argent en développement, que c'est des véhicules qui vont être des véhicules technologiquement assez avancés, qui vont coûter aussi de l'argent en termes d'énergie. À quel moment ce type de déplacement peut devenir accessible pour tout un chacun et pas seulement pour une certaine caste de population, Tomasz Krzyzanski? Tout à fait. Donc, François Sillon a signalé effectivement ce type de véhicules qui ont les ailes à vol d'avancement, là, avec éventuellement en basculant, qui consomment peu d'énergie. Mais ces véhicules sont beaucoup plus complexes, compte tenu qu'ils ont les actionnaires pour basculer les éléments. Et bien sûr, la complexité aéronautique n'aime pas beaucoup la complexité. Dans ce cas, ça devient bien sûr beaucoup plus cher et ça devient beaucoup moins redondant et complexe, donc moins sécurisant. Donc il y a un compromis à faire entre les véhicules qui soient simples, qui a peut-être un compromis un peu plus délicat, les vols stationnaires et vitesse d'avancement moins élevée, et véhicules qui est complexe, donc qui a la capacité des vols stationnaires qui soit acceptable et qui a une consommation d'énergie en volontairement très très faible. Et donc, et ça là aussi, il y a un aspect économique. Donc, vous avez aspect économique pour que ce soit vraiment économiquement accessible, il faut que ce soit simple. Donc, la simplicité aéronautique, c'est ça qui va faire que les passagers, ça sera accessible à plus grand nombre de clients. Donc, je crois que c'est vraiment les compromis et les challenges pour ces véhicules, c'est trouver un bon compromis entre les performances et la complexité. François Sillon, sur la question du coût. Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement un coût lié au véhicule. Et là, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord. Plus le véhicule est simple, plus il pourra être produit facilement à moindre coût. Il y a aussi l'appareil industriel. Donc, j'ai fait allusion tout à l'heure à l'arrivée maintenant des constructeurs historiques automobiles qui investissent, et ils sont plusieurs à le faire dans ce domaine-là. Et puis, il y a aussi une question d'efficacité des opérations. Donc là, c'est vrai que nous, c'est à ça qu'on s'intéresse beaucoup chez Uber. Un exemple simple, c'est la gestion de l'état de charge de la batterie. En fait, les batteries aujourd'hui, on peut les recharger plus ou moins vite. Selon la façon dont on les recharge, selon l'historique, selon tout ce qui se passe dans la vie de la batterie, sa durée de vie va être extrêmement impactée. De même, tout à l'heure, on parlait de grouper les passagers. Vaut-il mieux mettre 4 passagers dans un véhicule ou seulement 3 parce qu'on sait qu'on va voler contre le vent et donc que peut-être on va plus solliciter la batterie et donc moins, plus difficilement pouvoir faire un vol ensuite. Donc en optimisant le plus possible ces opérations, c'est un élément effectivement très important aussi pour maintenir les coûts sous contrôle. Mais clairement, notre vision à nous, c'est pas de fournir un service pour... disons les ultra privilégiés ou les gens qui ont vraiment de très gros moyens, c'est vraiment de rendre ça accessible au grand public et on vise clairement quelque chose qui soit de l'ordre de grandeur de ce que coûte aujourd'hui un VTC type Uber X par passager et par kilomètre. Donc comme c'est des trajets un peu plus longs, effectivement le trajet coûtera un peu plus cher que quand vous allez juste 3 blocs plus loin, mais l'idée c'est vraiment d'être sur le même ordre de grandeur. Parce que quand vous allez 3 blocs plus loin, par ailleurs vous prenez un vélo, vous prenez pas, vous prenez pas une voiture ou une trottinette. Et ça dépend, si vous avez des bagages, peut-être que, encore une fois, il s'agit d'adapter le mode de déplacement à chaque situation. Et nous, on souhaite tous les fournir. On entendait 2023, l'ambition, c'est d'atteindre des performances qui seraient du 200 km/h de vitesse pour des batteries de 30 minutes d'autonomie. On est quand même encore loin du compte, François Signon. On n'est pas si loin que ça. Pas si que ça ? Moi, je pense que si ce n'est pas 2023, ce sera début 2024. Mais non, franchement, je pense que... Après, le défi sera... le défi industriel, c'est-à-dire d'arriver à produire des véhicules qui auront ces caractéristiques à un coût raisonnable et en quantité suffisante. Thomas Krisinski, vous partagez ce point de vue de François Sillon, 2023, pour cette ambition de 200 km/h et 30 minutes d'autonomie de batterie, ça vous paraît atteignable? Parce qu'on arrive tout au bout de l'émission. Non, tout de suite, moi je ne vais pas donner la date. Hein. Si vous voulez, j'ai ressorti le vieux bouquin d'intelligence artificielle là. On devrait avoir le véhicule voiture autonome en 1970, là, il faut être extrêmement prudent dans ce domaine. Moi, j'insiste sur le fait vraiment énorme énergie autour du sujet, donc beaucoup de talents. Deuxième élément, challenge effectivement, c'est la sécurité des vols et trouver les bonnes architectures là. Et troisième élément, de rendre ça économiquement accessible. Moi, je verrais ça plutôt dans la deuxième partie de notre décennie. Hein. Bon, très bien. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On verra qui a raison dans les années qui viennent. Merci Thomas Krisinski d'avoir été avec nous. Merci François Sillon. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Céline Lozen, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Dominique Naguet, Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Michael Simon à la technique. Demain, direction l'Amérique avec une question de paléoanthropologie importante. À quand remonte le peuplement du continent américain? 10 000, 20 000, 40 000 ans avant notre ère. Nous levons le voile sur le mystère du peuplement de l'Amérique demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.